snacks. J'rappe c'est de la grosse punchline qui trop mal. De la maille pour les macs, un bon life pour les braves. J'rappe c'est un missile scut dans les vagues. De la gun dans ta face, un bon scut pour les snacks. J'rappe c'est de la grosse punchline qui trop mal. De la maille pour les macs, un bon life pour les braves. Acte 1, j'me présente, back touch, rappeur anonyme. J'ai fait mal au mic, les Wack MC n'ont plus de synonyme. Quand c'est le test, le mic, 1-2-1, de bouge la tête. Texte, texte de malade, plein de roulements de lait. Si on roule en tête, jamais on perdra le nord. C'est notre boule à facettes, mon seul et mon unique décor. Même s'il veut des cornes, moi j'ai connu les beaux jours. On allie le fond et la forme, c'est les marques comme qui passent pas. Acte 2, je me présente, MC Belette, rappeur anonyme. Je gratte des tonnes de rimes, c'est pourquoi je pète toutes les carottines. Écoute, rentre bobine, c'est pour le 6-2-5-9. Pour les vrais, pas les fils de qui veulent niquer ta russe. Ouais, mes rimes sont violentes, pareil qu'elles plaisent au pur. 22 piges, elles me tourmentent, donc j'attends qu'elles mûrent. Nouvelle tuerie 2010, les deux bartous ont bien grandi. Si je te déclare la guerre, c'est pour avoir la pute comme Gandhi. J'rappe, c'est un missile, scut dans les bras. De la skate dans ta face, un bon scut pour les snacks. J'rappe, c'est de la grosse punchline qui trop mal. De la maille pour les macs, un bon life pour les braves. J'rappe, c'est un missile, scut dans les bras. De la skate dans ta face, un bon scut pour les snacks. J'rappe, c'est de la grosse punchline qui trop mal. De la maille pour les macs, un bon life pour les braves. À peine on rentre en piste, les mecs se mettent à jacter. Un hématome sur le nord, la province vient vous éjecter. On sait que t'aimes les bonnes vibes, les nôtres vont t'infecter. Le fait est que c'est du lourd, les concurrents viennent nous inspecter. J'perds tes réceptifs, c'est hématome pour Universal. Tu respires même pendant l'hiver sale. Faut faire ça que nos vers ça fasse fort mal à leur formule. 2010, le rap des soins normal, ils font tout ça que formule. C'est formel rap spartiate, nous arrêter tu peux pas. Bordel, j'suis impartial, si j'ai pas les thunes, j'peux pas. J'suis pas allé, j't'ai pas, mais arrête de me payer. Ouais. Fais-toi un compte PayPal et achète New School pédale. En fait, on cherche 4 pétas, comme tu bétail, connard. Pour les autres, j'sais pas, moi j'vois ça comme un bête de polar. Ambiance par sale canette, là où les karma chavirent. C'est comme le bar, ça veut être encore une grosse lucarne de chavis. J'rappe, c'est un missile, scut dans les bras. De la skate dans ta face, un bon scut pour les snacks. J'rappe, c'est de la grosse punchline qui trop mal. De la maille pour les macs, un bon life pour les braves. J'rappe, c'est un missile, scut dans les bras. De la skate dans ta face, un bon scut pour les snacks. J'rappe, c'est de la grosse punchline qui trop mal. De la maille pour les macs, un bon life pour les braves. J'écris d'une heure très matinale, quand ma plume est malléable. Elle enlève son maquillage pour vous présenter Mathias. Mathias, le jeune homme au freestyle maximal. Le magistral est la new school, alors mets le volume maximal. Milieu axial, le mat et le match est mat. La vitesse mat, la patate passe à la bataille. Je suis un bâtard, sortez la bouteille. Faites péter le bouchon, péter les macs, non péter les macs. Et les murs du son, pendant péter les faces sur un bête de son. Péter les plans, va se péter les plans, quand je crois que le son, toi tu claques, tu son. Et tu dis que ma kick te balance des claques avec des rimes en cloques qui font péter les plans. Péter les plans, va se péter les plans, gros et mac tom, cracheur de sang, dragueur de mots et de phrases, violent pro squatter d'un pro, les cracheurs de France. Je mens, ici y'a pas de rime en mousse. Tu ne confonds pas mon champagne avec ton vulgaire mousse. C'est pas papa, papa, peut-être je vais vous, mesdames, messieurs. Car à la fin de ce couplet, c'est plus Mathias, mais monsieur. J'rappe, c'est un missile, scut dans les bras. De la skate dans ta face, un bon scut pour les snacks. J'rappe, c'est de la grosse punchline qui trop mal. De la maille pour les macs, un bon life pour les braves. J'rappe, c'est un missile, scut dans les bras. De la skate dans ta face, un bon scut pour les snacks. J'rappe, c'est de la grosse punchline qui trop mal. De la maille pour les macs, un bon life pour les braves.